Sans son Dominique, j'y vole l'ambiance. C'est Dini Ling. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. يا فرح ايلي